Bon, bah, on va rester, on va pas vous faire les nouveautés toutes neuves tout de suite, hein. On va rester sur des morceaux que certains ont peut-être déjà entendus. Donc là, on a fait un morceau, c'est du rock pour les bonhommes. Alors, ceux qui ont les cheveux longs, qui veulent bouger la tête, ils peuvent. Pour les autres, ceux qui connaissent pas le refrain, c'est Où es-tu ? On va le faire plein de fois dans la chanson, il faudra juste faire Où es-tu ? Vous avez le droit de chanter si vous voulez, hein. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est peint. Si le loup y était, nous mangerait. Bougez la tête! Quand on est la lune, et quand claire est la nuit, c'est le sang qui m'appelle et la conscience qui fuit. Ce soir où je te sens à 200 km, rentre vite chez toi, ferme porte et fenêtre. Je suis déjà en route, je suis même déjà là. Et si tu n'y vois goutte quand tu cherches derrière toi, c'est une odeur de terre sans la mort sur du froid. Je suis où tu es proie, ce soir tu es à moi. Vous êtes prêts pour le refrain ? Ceux qui connaissent, ils peuvent chanter. Où es-tu ? Derrière toi ! Où es-tu ? Fais-le-toi ! Où es-tu ? Derrière toi ! Où es-tu ? Je suis là ! Où es-tu ? Derrière toi ! Où es-tu ? Fais-le-toi ! Où es-tu ? Derrière toi ! Où es-tu ? Je suis là ! On va le refaire, ce que là vous êtes venus, vous le faites ! Fais-le-toi ! Où es-tu ? Derrière toi ! Où es-tu ? Viens vers toi ! Où es-tu ? Je suis là ! Où es-tu ? Viens vers toi ! Où es-tu ? Fais-le-toi ! Où es-tu ? Derrière toi ! Où es-tu ? Je suis là ! Je les sème, les flammes je les souffle. Les chasseurs je les saigne, mais c'est mon cœur qui souffle. Le parfum de ton corps, fils aimé de la lune, me fait hurler à mort, prisonnier de tes runes. Cette attraction fatale que tu tisses d'argent me frappe comme une balle en ce cœur conquérant. Mais cette nuit ma sorcière, je reprends mon destin. Cesse tes larmes de fer, car tu es mon festin. Ça fait où es-tu ? Où es-tu ? Derrière toi ! Où es-tu ? Fais-le-toi ! Où es-tu ? Derrière toi ! Où es-tu ? Je suis là ! Où es-tu ? Derrière toi ! Où es-tu ? Fais-le-toi ! Où es-tu ? Derrière toi ! Où es-tu ? Je suis là ! Retourne. Où es-tu ? Derrière toi ! Où es-tu ? Fais-le-toi ! Où es-tu ? Derrière toi ! Où es-tu ? Je suis là ! Où es-tu ? Derrière toi ! Où es-tu ? Fais-le-toi ! Où es-tu ? Derrière toi ! Où es-tu ? Je suis Merci.